Voilà, de retour sur le plateau de Radio Almanach à votre émission hebdomadaire du dimanche Regard Critique avec un auditeur qui attend depuis de nombreuses minutes. Jawad, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je vous en prie, allez-y. Ouais, tout d'abord, je tenais à saluer l'action de Rabban Abdoudami. Tout à fait d'accord avec lui. Ah, enfin un soutien, il va être content. Et ensuite, la chose que je vais dire, bien sûr, ça n'engage que moi. En aucun cas, j'attribuerai sur Rabban Abdoudami. J'en ai un peu marre, en fait, du climat, de l'atmosphère. J'en ai un peu marre du discours suivant, à savoir que certains musulmans s'indignent en disant « Tu vas penser autrui, tu vas penser le non-musulman ». Et à la longue, ça me fatigue un peu parce que j'ai l'impression, c'est un peu caricatural, mais bon, j'ai un peu l'impression que, je ne vais pas dire la majorité, mais un grand nombre de musulmans sont tous là à se courber le dos et à ramasser les miettes du maître blanc. Voilà, donc j'appelle pas à brandir les drapeaux et à crier « Vive la chaléa !» et « Gorgeons tout le monde !» Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, au bout d'un moment, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que cette radio, Radio Almanach, il suffit d'écouter des pubs, il y a l'adhan, il y a l'appel à la prière, on est tous d'accord pour dire que le référentiel, c'est le Coran et la Sunna. On est tous d'accord. Et, ça dépend des gens, mais bon, là n'est pas la question, allez-y. Oui, le Coran et la Sunna. Il y a un verset qui dit que ni les juifs ni les chrétiens ne seront satisfaits de vous tant que vous ne serez pas comme eux. Au bout d'un moment, quand on voit les exégètes, les Mufassirim, que ce soit Bouhassan Mawardi, que ce soit Ibn Taymiyyah, que ce soit le Mujahid, Ibn Abbas et d'autres, on voit clairement l'explication de ce verset. Certes, même les bobos humanistes, ceux qui se la jouent, j'aime tout le monde, j'aime l'islam, vive Francis Lalanne, vive les violons, ils ne seront pas pour le fait que le musulman se lâche une fois pour boire un verre de vin. C'est un peu caricatural, mais bon, mais c'est un peu la sociologie de carton, comme ça, vite fait, bien fait, mais c'est vraiment la réalité. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Je veux dire, il y a le pétard qui font pire, il y a des groupuscules sionistes et autres qui font pire. Ils ont seulement stoppé, voilà, cette Caroline Forest, cette créature, cette chose, excusez-moi du terme, je ne sais pas comment la définir, parce que, voilà, à la longue, elle ne dit que des conneries, et toutes les tribunes lui sont attribuées. Voilà, les micros sont autour de lui, le tapis rouge, et ainsi de suite. Voilà, ils ont refusé un débat contradictoire avec Abdallah Boudami et son équipe. Donc au bout d'un moment, on passe un peu... Voilà, et comme il a dit Abdallah Boudami il y a quelques temps, enfin il y a quelques minutes, il a dit que ça fait partie de la tradition de l'ULP de faire ce genre d'action en parlant des féministes, du guerre du Vietnam, etc. etc. Donc voilà, je suis pas en train de viser Mohsen, hein. C'est dans le sens impersonnel ce que je dis là. C'est caricatural, mais c'est ma façon de parler, je suis un peu terre-à-terre, je suis comme ça, je suis quelqu'un de la rue. Mais je veux dire, le truc c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, il y en a marre de toujours dire « Mais que va penser le maître blanc ?» Voilà, les miettes, voilà, on va se courber pour les ramasser, on s'en fiche. Au bout d'un moment, on s'en fiche. Et je vous jure, avec l'expérience, bon, je suis pas âgé, mais avec le peu d'expérience que j'ai, je vous jure que les non-musulmans respectent plus les gens engagés, qui actionnent certaines choses, mais plutôt que ceux qui se courbent. Mais voilà. Pourquoi voyez-vous les choses de manière conflictuelle? Est-ce que Mme Forest et les autres professeurs qui l'ont entouré se voyaient dans la place du maître blanc que vous dénoncez? Oui, mais en fait, ce que je vise par là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une petite action qui sort un peu du cadre de la diplomatie, de la bien-pensance, etc., directement, que va penser l'autre? Que va penser l'autre? Parce que nous, on est comme ça, on a tous ce référentiel Coran la Sunna, mais on se dispute à coup de que va penser l'autre, ainsi de suite. Et on doit comprendre, au bout d'un moment, qu'on s'en fiche, parce que l'islamophobie, elle est là depuis des siècles. Elle est là, elle ne va pas disparaître, elle est comme ça, parce que Allah, notre créateur, celui qui va prendre nos âmes et qui va nous ressusciter le jour dernier, nous, humains, simples poussières que nous sommes, nous le dit clairement dans le Saint-Coran. Faut dévoiler la face. Moi, tous les chrétiens, je leur dis clairement, voilà. Allah nous... Donc c'est au nom de l'islam que vous avez fait, ou que vous encouragez en tout cas cette initiative? Pardon? C'est au nom de l'islam que vous encouragez cette initiative? Bien sûr, c'est pour Francis Lalanne ou au nom de Karl Marx que je vais... Bien sûr, ma référence, c'est le Coran et la Sunna. Je vis, je respire selon l'islam. Et il a raison de s'identifier au référentiel qu'il veut. Il y a plusieurs personnes qui se sont inspirées de le référentiel. Et il a tout à fait raison, d'ailleurs, lorsqu'il dit que l'islamophobie est là. Parce que l'islamophobie, c'est pas juste des idées en l'air avec des gens dans les médias qui disent qu'on n'est pas gentil et qu'on n'est pas beau. Non, c'est pas juste cela. C'est... L'islamophobie, c'est plus qu'un cadre de pensée, c'est un cadre d'action. L'État exerce des actions sur les gens. Il interdit le voile. Il encourage quelque part la discrimination, même si il y a une schizophrénie de l'État. L'EMR, etc., s'inscrit contre la discrimination. Les pensées véhiculées par les politiques eux-mêmes légitiment les discriminations. Par exemple, moi je vais prendre un exemple de l'islamophobie de tous les jours. Ma sœur est une étudiante brillante qui a 21 ans, fait son mémoire de biologie moléculaire. Si demain elle veut enseigner, qu'est-ce qui va se passer? Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Et donc, moi, j'invite les filles voilées qui subissent ce genre de violence à le dire et à le proclamer au fort. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va organiser un truc ambassadeur de la paix et des gentils bisounours avec Daniel Ducharme et Sam Touzani et compagnie pour discuter de oui, on n'est pas d'accord, mais en fait, on est gentil? Ou est-ce qu'on pose des actions fortes sur le terrain qui vont faire bouger les choses, comme des centaines et des centaines de causes ont fait bouger les choses par le passé?